But a Good Time. Nous venons d'entamer de la meilleure des manières le 26e numéro de Living in the Past. Juste passer un bon moment ensemble et prendre du bon temps en votre compagnie, c'est un peu le credo de cette émission. Jean-Marie, avec vous jusque midi. Bienvenue sur RQC. Si vous nous rejoignez à l'instant, il fait chaud, chaud, chaud et au fil du temps... Au fil de la matinée, la température dans le studio ne devrait pas cesser de monter, surtout avec le programme d'enfer que je vous ai contacté spécialement pour vous, auditeurs fidèles. Et sans plus attendre, ouvrons notre grand almanach pour nous remémorer ce qui s'est passé un 29 mai. À commencer par le 29 mai 1965, Bringing It All Back Home, l'album de Bob Dylan, est numéro 1 en Angleterre, notamment avec ce célèbre titre. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Thank you. disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Ah, Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semblerait bien que le coût de la vie ait sensiblement augmenté, surtout depuis le 29 mai 1967, quand on voit les prix pratiqués pour certains concerts. Ce jour-là, il y avait en concert au Tulip Bulb Auction Hall de Lynx en Angleterre, The Move, Cream, Jimi Hendrix Experience et Pink Floyd, le tout pour une livre, soit environ 1,10€. Ça fait rêver, non? Et on va faire comme si nous y étions. On va enchaîner avec les Move et Flowers in the Rain, Cream, Sunshine of Your Love, Jimi Hendrix Experience and Red House, et finalement Pink Floyd and Matilda Mother. Voilà, un concert comme si nous y étions. The Move. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore, so marigolds upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain, side with all the windows open wide, couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my bed into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain. Conversation with the trees, relieved to leave reality behind me. With my commitments in a mess, my sleep has gone away deep rest. In a world of fantasy, you'll find me. I'm just sitting watching flowers in the rain, feel the power of the rain making the garden grow. I'm just sitting watching flowers in the rain. I'll soon be with you, my love, give you my dawn surprise. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you until my seas are dried up. I've been waiting so long. Yeah. we have to read the lines of Scribbly Black and everything shines. Across the stream with wooden shoes, bells to tell the king the news. A thousand misty riders climb up higher once upon a time, wondering and dreaming. The words had different. Pink Floyd and Matilda Mother. Aujourd'hui, on fait vraiment le plein de soleil et ce matin en particulier, on fera surtout le plein de musique. Continuons de plus belle en nous replongeant en cette année 1971-1971 où les Rolling Stones atteignaient la première place des singles avec Brown Sugar. C'était déjà à l'époque le sixième titre du groupe qui finit à la place de numéro 1, pardon. Et en 1991, après avoir terminé l'enregistrement de l'album Nevermind, Nirvana donnait un petit concert improvisé au Jabberjaw de Los Angeles. Et dans le public, figurez-vous qu'il y avait un certain Iggy Pop et aussi Jennifer Lynch, la bassiste du groupe L7, dont la copine n'était autre que Courtney Love, qui deviendra par la suite la femme du chanteur de Nirvana. Et voilà les Rolling Stones, Brown Sugar, Rock. Doing all right, here and ripped away. Ah, on est chaud, chaud, chaud! Et on va quand même se reposer un peu maintenant et nous souvenir que le 29 mai 1997, Jeff Buckley disparaissait tragiquement dans les eaux du Mississippi dans lequel il se baignait tout habillé. Son corps sera aperçu et retrouvé 5 jours plus tard par un touriste voyageant sur un bateau. On connaît surtout son titre Alléluia. Je vous propose maintenant Lover, You Should Have Come Over. C'est toujours extrait de son album Grace de 1994. Shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong. But tonight, you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Well, are you my child? You know how much I need it. Too young to hold on, and too just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun. But much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find. Open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't. Smiles when I step so soft against her. Ah, Jeff Buckley, c'est vraiment dommage qu'il a eu ainsi sa carrière brisée avec cet accident tragique. Sinon, il aurait pu faire une carrière extraordinaire. C'était un extrait de l'album Grace, le seul album qui a été édité de son vivant. Aujourd'hui, en ce 29 mai, pas mal d'anniversaires à souhaiter. D'abord, celui de Gary Brooker, chanteur et claviériste au sein du groupe Procol Harum, dont nous allons retrouver la célèbre chanson White Shade of Spain. Celui-ci est né en 1945 à Hackney, en Angleterre. Et on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission Procol Harum, mais pour la rubrique actualité, puisqu'ils nous sortent un nouvel album. Bon anniversaire aussi à Mike Porcaro, bassiste de Toto, né le 29 mai 1955. Bon anniversaire également à Mel Gaynor, le batteur de Simple Minds, né lui le 29 mai 1960. Et enfin, bon anniversaire à Noel Gallagher, le guitariste, ex-guitariste et chanteur d'Oasis, qui a maintenant sa propre formation, le Noel Gallagher's High Flying Bird. Il est né le 29 mai 1967. Living in the Past. Le rock en balade. Et on poursuit en douceur avec Procol Harum, White Shade of Pale. N'hésitez pas à entamer un petit pas de danse si vous en avez la possibilité. Thank you.

c'est ta musique, tes sensations, ta génération. Drop me in for the gap. Touch the face of God. Après White, Shade of Pale et Africa, les tubes planétaires de Procol Harum et Toto, nous avons enchaîné avec In the Heat of the Moment, un extrait de Chasing Yesterday, l'excellent album de 2015 du Noel Gallagher's High Flying Birds, suivi pour finir par Someone Somewhere in Summertime, le super tube de 1982 des Écossais de Simple Minds. Alors, sorti en 1982, cet album New Gold Dream, dont est extrait ce titre, marque en fait le début du succès international du groupe. C'est aussi le premier album sur lequel ne figure pas le batteur original Brian McGee, qui est remplacé par le batteur Mel Gaynor, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire. Je ne sais pas vous, mais ce genre de titre, Someone, Somewhere, in Summertime, ça fait penser aux vacances. Le mois de mai se termine, le mois de juin arrive, il fait chaud et la saison des festivals a débuté. L'actualité est très fournie, aussi sur le plan des nouveautés. C'est pourquoi nous allons ouvrir maintenant une nouvelle page. J'ai sélectionné quelques albums sortis tout à fait récemment et qui m'ont fortement plu et que j'ai l'envie de partager avec vous. À commencer par un recueil de ballades heavy metal de la célèbre formation allemande Axel Rudi Pell. Cet album, il s'intitule tout simplement Rock Ballad 5. Je vous en propose un extrait, Forever Free. Here today, then fade away. Another prayer, wish you could stay. Searching for answers in our minds. Forever free. Axel Rudi Pell, Forever Free, libre à jamais, tout comme votre radio RQC. RQC 95 FM. Et on poursuit dans une toute autre ambiance, Texas, Let's Work It Out. Voilà un titre qui fleure bon le soleil et le sable chaud, Texas, Let's Work It Out, dans une ambiance essentiellement optimiste, Jump On Board. Le nouvel album des Écossais de Texas est une nouvelle démonstration d'une formation qui maîtrise son art à la perfection. Et ce nouvel album est dans les bacs depuis le 21 avril, tout comme Novum, le nouvel opus de Procol Harum que nous retrouvons ici avec un extrait de ce nouvel album, The Only One, comme votre radio. I'm the only one mistake. None of you would be about. I know I'm quite elusive, and that makes some folk doubt. Some say Hey! somewhere in between where and why. Somewhere in another dimension. I can hear you asking me why. Why? Why? Tell me, can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear me, don't cry. Tell me that you're not feeling lonely. Thank you. Cranberries, que nous venons d'écouter dans Why, viennent de sortir un album acoustique que la formation irlandaise d'ailleurs défend actuellement dans le cadre d'une tournée européenne. Et cet excellent album acoustique est dans les bacs depuis le 28 avril. Auparavant, vous aurez reconnu le style un peu baroque de Procol Harum, une formation formée en 1967 et donc qui fête cette année son 50e anniversaire. C'est l'occasion pour eux de sortir ce nouvel album baptisé Novum. En parlant de 50e anniversaire, il en est un qui se profile et pas des moindres. Puisque le 1er juin prochain, nous fêterons le 50e anniversaire de la sortie du premier album concept Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, qui a totalement révolutionné l'univers du rock, voire de la musique tout court. Et cet album fait actuellement l'objet, ou fera l'objet, d'une réédition. Et pour la circonstance, la fois prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours, soit le 12 juin, je vous proposerai une spéciale Beatles, une spéciale Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Voilà, c'est notre manière à nous, sur RQC, de célébrer cet événement majeur. Et pour suivre, Nick Cave qui sort... lui, une compilation baptisée Lovely Creatures, The Best 1984-2014. On le retrouve dans une reprise d'un titre célèbre d'Elvis Presley, In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, cause there's one thing that she don't need, is another little hungry mouth to feed in the ghetto. Oh, people, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Why, take a look at you and me. Are we that blind? And look the other way, and the world turns, and the hungry little boy with a runny nose plays on the streets as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Oh, people, don't you understand? Oh, this child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. See, do we simply turn our heads? the other way. And as her young man died on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more, she goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? Is en prémisse à la célébration de ce 50e anniversaire de la sortie de l'album mythique Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, j'ai choisi ce matin de vous faire écouter ce merveilleux Leaving Home. Et on change totalement de registre car pour suivre, il y a maintenant Lost and Found, un extrait d'un album éponyme d'une la formation américaine baptisée Seven Miles to Pittsburgh, que m'a chaudement recommandé notre ami Scream, le spécialiste métal de notre station, que je salue au passage s'il nous écoute, et qui, pour rappel, anime deux excellentes émissions, Rive d'Enfer, tous les lundis entre 20 et 22 heures, et ensuite Backstage, tous les mercredis entre 9h30 et 10h30. Living in the past. Mad in rap. We'll be right back. Encore merci à Scream pour cet excellent morceau de cette jeune formation américaine, 7 Miles to Pittsburgh. On quitte maintenant le métal pour retrouver le groupe Depeche Mode et Going Backwards, un extrait de leur nouvel album baptisé Spirit, un album qui ne manque pas de souffle. Pour rappel, les Depeche Mode se sont constitués en 1980. Ils sont originaires de Basildon, une petite située dans l'est de l'Angleterre. Depeche Mode, je ne vais pas vous faire injure, mais vous rappeler qu'il a fait danser des générations entières, y compris la nôtre, sur des classiques électroniques comme Just Can't Get Enough, Everything Counts, People Are People, Strange Love ou It's Not Good. La formation compte plus de 100 millions d'albums vendus et a aussi connu un immense succès au début des années 90 avec des albums comme Violator, qui comprend notamment les tubes Persona Jesus, Enjoy the Silence, Songs of Faith and Devotion, numéro 1 simultanément en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Quant au précédent album, enfin l'album qui précédait ce nouvel album Spirit, Delta Machine, est sorti en 2013. Il était empreint de blues et avait aussi donné lieu, comme pour celui-ci, à une vaste tournée mondiale à laquelle ont assisté plus de 2,5 millions de spectateurs. Et nul doute qu'il en est de même avec ce nouvel album et cette magistrale tournée qui écume actuellement la région. Vous n'étiez peut-être pas le 9 mai au Sport Palais d'Anvers, mais vous faites peut-être partie des petits vénards qui, ce soir, applaudiront Depeche Mode au stade Pierre Mauroy de Lille. Quant à Dave Gahan, le leader charismatique de cette formation britannique, il vient de fêter ses 55 ans. Et oui, les années passent, ça commence à compter. Et il raconte volontiers qu'enfant, il aimait déjà épater la galerie. Bien plus tard, il expliquera en interview « Quand j'étais très jeune et que nos tantes venaient nous rendre visite, j'aimais divertir ma maman et la famille en imitant Mick Jagger ou encore Gary Glitter. Et tout le monde riait. Je n'étais pas vraiment bon en quoi que ce soit, mais je voyais que ça entraînait une réaction. » Les choses n'ont pas tellement changé depuis, sauf que maintenant, ce sont des millions de personnes qui se déplacent pour l'applaudir. Et voilà. On poursuit maintenant avec notre ami Arnaud, flanqué de Stefan Eicher. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et c'est pas bon, moi. Ils ont changé ma chanson. Look what they done. My brain, man. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane. Man. Look what they done to my son. Ils ont tradé ma chanson, man. Ils ont trahi ma chanson. Ce n'était rien qu'une chanson. Mais c'était ma chanson, moi. Ils ont changé ma chanson. Oh. tempo, et ma musique et mes mots. Ils ont rien compris à la chanson où j'avais écrit ma vie au moins. Ils sont changés ma chanson. Le bras des dames to my song. Le quoi des dames to my song. They tied it up in a plastic bag and turned it upside down. Look what they done to my song. Something deep inside. Si vous êtes fan de Paul Weller, vous aurez sûrement reconnu ce tube de 1995, You Do Something to Me, extrait de l'album Stanley Road. L'ancien leader de Jem viendra bientôt nous rendre une visite en Belgique. Il se produira chez nous le lundi 5 juin à la baie de Bruxelles. Quant à notre Arnaud National, il sera en concert le vendredi 2 juin à l'Éden de Charleroi et à Genk le samedi 24 juin pour le festival Genk On Stage. Pour mémoire, ce titre, ils ont changé ma chanson, What Have They Done to My Song, Ma, est une chanson qui avait été écrite et composée par la chanteuse Mélanie en 1970. Elle s'y lamente de ne plus reconnaître sa chanson, enfermée dans un sac en plastique et mise sans dessus-dessous. Et en 2000, Arnaud et Stéphane Escher ont enregistré une reprise bilingue. Ils ont changé ma chanson, reprenant certains couplets à la fois dans la version originale et d'autres dans la version française. Version française d'ailleurs que Dalida avait précédemment reprise à son compte. Et voici pour suivre des Purple Roadhouse Blues. Thank you. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Just Ça va, vous tenez le coup par cette chaleur? J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous écoutent alors qu'ils sont au travail. Bon courage à vous. Comme vous l'aurez remarqué ce matin, rien que du lourd dans l'émission Living in the Past, nous avons démarré cette série avec Deep Purple et une reprise du célèbre titre des Doors, The Roadhouse Blues, qui clôture l'excellent dernier opus du groupe sorti au début avril et qui s'intitule Infinite et que je vous recommande chaudement. Ian Paice, le célèbre batteur de Deep Purple, s'est récemment exprimé à propos des cérémonies de récompense du Rock and Roll Hall of Fame. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a un avis très tranché sur la question. Il disait d'ailleurs ceci: « Je n'ai pas besoin d'être encouragé d'une tape sur l'épaule pour faire du bon travail. Pour les musiciens, je ne pense pas que cela fasse une grande différence. Je pense que c'est important surtout pour les fans. Ça renforce le sentiment que ceux qu'ils aiment vaut le détour et méritent toute l'attention. Et juste pour ceci, je trouve que ça en vaut la peine. Le rock and roll, ce n'est pas Hollywood. Là-bas, on vous donne des récompenses chaque année en se félicitant de simplement faire du bon travail. C'est un peu excessif, non ? Le rock and roll, c'est tout le contraire. Ce n'est pas parce que nous sommes là depuis un long moment que nous avons enregistré des albums qui ont eu du succès que j'ai besoin d'une tape sur l'épaule pour m'encourager. Je sais que ce que nous avons fait, j'en suis fier. Et nos fans nous le rappellent également. C'est ça pour moi la vraie récompense. Et c'est vrai que la plus belle des récompenses, c'est l'engouement extraordinaire qu'a provoqué la sortie récente de ce dernier superbe opus Infinite que le groupe défend pour l'instant en tournée. Rappelons au passage que Deep Purple se produit au Zénith de Lille ce 1er juin. Le vendredi 16 juin, soit 15 jours plus tard, débute le Grass Pop Metal Meeting à Dessel. Deep Purple sera également à l'affiche, notamment en compagnie de formations comme Wasp et Europe, dont nous venons d'écouter successivement I Wanna Be Somebody et Rock the Night. Changement de registre maintenant, Coldplay, qui nous emmène au paradis, Paradise. Breaks the butterfly, every tear a water. cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't break it. Oh, I'll never break it. Cause I can't take it. Thank you. Patience, les Guns N' Roses, de la patience, il en faudra encore un petit peu pour les fans qui ont déjà leur ticket pour aller applaudir leur champion au Werder Classic le samedi 24 juin. Et deux jours plus tôt, ce seront les fans de Coldplay qui seront aux Anges au stade Roi Baudouin les 21 et 22 juin prochain. Vous signalez encore que le 26 juin, c'est John Fogerty, ex-Creedence Clearwater Revival, qui sera à l'affiche au Lotto Arena d'Anvers. Je n'ai malheureusement pas d'extrait à vous proposer, j'espère, peut-être pour une prochaine émission. Comme vous le voyez, le mois de juin est particulièrement chargé et je ne voudrais pas arrêter cette évocation des événements du mois de juin sans vous signaler que le jeudi 29 juin prochain débute le festival de Werchter avec une programmation des plus alléchantes. Jugés plus tôt seront notamment à l'affiche cette année à Radiohead, Foo Fighters, Dropkick Murphys, Blink 182, System of Down notamment, et tous des groupes que nous retrouvons ici de suite sur les ondes d'RQC et sans pub de surcroît. On entame la série avec Radiohead, Karma Police. Oh, Et voici pour suivre les Dropkick Murphys, Ross Tattoo. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo, in a rose tattoo. I got your name written here in a rose tattoo. Un peu de punk celtique avec Dropkick Murphys. Et on enchaîne avec Blink 182, All the Small Things. Rating. such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk mine. It's a day that I'm glad I survived. Et oui, nous venons de clôturer cette impressionnante série avec System of a Down et Lonely Day, précédé de Blink 182 avec All the Small Things, Dropkick Murphys, le chaleureux Rose Tattoo, Foo Fighter and the Pretender. Et nous avions débuté avec Karma Police, un extrait du célèbre album de Radiohead, OK Computer. Et à propos de ce OK Computer, je vous rappelle que c'est en juin également qu'on célébrera les 20 ans de la sortie de ce célèbre album. À cette occasion, le groupe a annoncé la sortie le 23 juin prochain d'un coffret intitulé Oknotok. Dans celui-ci, on devrait retrouver, selon les informations en possession, une version remasterisée de cet album de 1997, 8 faces B et 3 titres inédits. Il serait disponible sous format digital en double CD et triple LP. Une version de luxe intitulée Oknotok Boxed Edition sera également disponible en juillet. Elle comprendra un vinyle noir, un livre avec des artworks inédits et les paroles des titres de l'album. Un livre de 104 pages de notes de Tom York, un autre livre de dessins de la pochette de 48 pages et une cassette C90 pour les nostalgiques, reprenant des archives et des démos, viendront également agrémenter cette version de luxe. Alors, amis collectionneurs, il serait temps d'économiser ou de vous faire offrir ce superbe cadeau. Et poursuivre Steve Winwood, Higher Love, presque. Time is wasted, time. Look inside your heart. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Avant U2 and Ordinary Love, nous avions Steve Winwood et Higher Love, un extrait de l'album Back in the High Life de 1986. Ce morceau, pour vous signaler que Steve Winwood sera à l'affiche du Cactus Festival de Bruges au Mine Water Park, qui aura lieu le vendredi 7 juillet. Quant à U2, il sera, lui pour rappel, mais on sait que c'est sold out depuis belle lurette, il sera, donc U2 sera le mardi 1er août au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Et à propos d'Ordinary Love, la chanson que nous venons d'écouter, je voudrais vous signaler que ce single a été écrit en l'honneur de Nelson Mandela. Et il fait d'ailleurs partie de la bande originale du film qui lui est consacré, Mandela, un long chemin vers la liberté, de 2013. Et cette chanson a rencontré un immense succès populaire, puisqu'elle a notamment remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale lors de la 71e cérémonie des Golden Globes, et elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale lors de la 86e cérémonie des Oscars. Voilà, et pour suivre, une dernière petite annonce. Le dimanche 6 août prochain débute le Brussels Summer Festival, avec notamment à l'affiche cette année l'indémodable Early Bird du non moins inoxydable André Brasseur et son orgue à Hammond, qui, du haut de ses 78 ans, après son impressionnante prestation de l'an dernier au Puckle Pop Festival, remet ça cette année dans notre capitale. D'autres anciennes formations seront aussi de la partie, à commencer par Trust, la troupe de Bernie Bonvoisin, et les Pet Shop Boys, que nous retrouvons de suite avec Always On My Mind, la reprise du titre de Willie Nelson de 1970. We'll be right back. proclame vos slogans. Amitié en ferment, des gens l'ont mis du silence. En voyant ce génocide, elle l'a combattu et vaincu, quel homicide. La seule leçon qu'elle ait su en tirer, c'est de financer des états policiers. L'élite est entrée sans prévenir devant ce chat d'assaut, vous l'avez de vos idées. Renforçons l'amitié, proclame vos slogans. J'ai en fait mort des gens dans les dissidents. Dissidents, dissidents, dissidents. Elle se dit l'élite. Voilà, il est midi passé sur les ondes d'RQC. Voici venu le temps de nous quitter sur cet excellent titre d'André Brasseur, Early Bird. J'espère que, comme d'habitude, vous aurez apprécié notre programmation et le ton de l'émission. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous le 12 juin prochain, même adresse, même heure, 9h midi sur les ondes d'RQC. Et je vous rappelle par la même occasion que vous pouvez toujours nous écouter également sur le site www.rqc.be et que sur ce site vous pouvez d'ailleurs nous écouter en podcast. C'est-à-dire en différé, si vous n'avez pas pu être à l'écoute de l'émission en direct. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne quinzaine, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous donc le 12 juin. Ciao! Thank you. Living in the Past. Le meilleur du classique. N'appartient qu'à la nuit, mais cela ne fait rien. On se donne à la...